CKRL 89.1, Raymond Poirier est avec nous pour la chronique TI, Technologie d'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Alors aujourd'hui, tu nous parles des grandes tendances 2014 dans les TI, mais attention, on parle bien de tendances. Exactement. On a parlé un peu en fin d'année dernière de gadgets, d'éléments, d'appareillages technologiques et autres éléments qui seraient peut-être à surveiller au fil de 2014. Et là, on ouvre un peu plus largement ce qui est à surveiller. Le rapport de Deloitte sur, justement, c'est leur prédiction en technologie, médias et télécommunications 2014 est sorti un peu plus tôt. Ce mois-ci, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir un peu justement qu'est-ce que eux pensent qui va arriver au fil des prochains mois. Des éléments quand même parfois assez intéressants, parfois surprenants aussi dans certains cas. Si on commence peut-être par la notion d'achat d'appareils. Bon, on parle d'achat d'appareils informatiques. Eux disent, regardez, ça va ralentir le marché global des ventes d'appareils informatiques qui n'a cessé d'augmenter, on le sait. Ben oui. Depuis la dernière décennie. Ben, c'est surprenant. Eux disent, en fait, à un moment donné, on atteint un point de saturation où les gens qui veulent avoir un appareil de ce type-là ont l'appareil, vont l'avoir pour quelques années avant de le renouveler. Évidemment, il y en a toujours qui vont en acheter à chaque année, qui vont acheter des nouveaux appareils, des nouvelles mises à jour, etc. Mais ils disent, à un moment donné, donc, il y a un point de saturation qui est atteint, il y a un plateau qui est atteint, et on croit que cette année, ben, le plateau sera atteint. Donc, le marché des ordinateurs personnels, des téléphones intelligents, des consoles de jeux, des télévisions, des tablettes. Donc, oui, ça représente quand même, ça représentera toujours aussi une part importante de dépenses mondiales, mais ça devrait se stabiliser. Donc, on parle d'un marché d'à peu près 800 milliards de dollars à partir de 2014. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'eux estiment que dans cet écosystème-là, le marché des ordinateurs personnels, lui, va être en déclin régulier. Il l'est déjà, il faut le dire, depuis 2008. C'est pas une surprise pour personne. La tablette remplace beaucoup l'ordinateur personnel. Oh oui, la tablette, le portable. En fait, il y a plein d'autres appareils qui sont peut-être un peu plus utiles. L'ordinateur personnel, c'est peut-être celui qu'on a au bureau, c'est peut-être celui qu'on a si on est un travailleur spécialisé qui avons besoin de gros écrans, de grosses performances. Mais sinon, donc, on l'utilise de moins en moins. Alors, c'est un déclin qui devrait se poursuivre. Parallèlement, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas non plus remplacement de ces appareils-là par ce qu'eux appellent l'informatique corporelle, ce que nous, on pourrait appeler des objets connectés. Donc, évidemment, l'idée d'avoir... l'exemple le plus flagrant dans le contexte actuel, c'est les lunettes Google Glass. Donc, c'est les premières un peu à se lancer dans ce marché-là à grande échelle quand même. Donc, ce qu'on dit, c'est oui, c'est un produit qui est intéressant, mais l'impression qu'on en a, c'est que c'est peut-être pas un produit qui est encore suffisamment au point pour être... intégré à grande échelle par des utilisateurs. Il y a peut-être des problèmes au niveau de la manière dont... ces appareils-là fonctionnent, les problèmes de luminescence, d'interface qui sont pas encore parfaitement réglés. Alors oui, il y aura un marché pour ça. On parle peut-être de 3 milliards de dollars, ce qui est quand même pas rien, mais ça ne sera pas un marché aussi généralisé que les téléphones mobiles, que les tablettes tactiles. Et il n'y aura pas nécessairement non plus un engouement similaire à celui qu'a connu les tablettes tactiles dès le départ. Ça va rester assez marginal finalement. À court terme. À tout le moins. Après ça, ce sera intéressant de surveiller, de voir de quelle manière, justement, l'outil va se développer et si, effectivement, dans le fond, les problèmes qui sont soulignés par certains experts vont être réglés, si au niveau du prix aussi, ça va rester accessible, si au niveau de la mise en marché, on aura aussi une proposition intéressante parce qu'évidemment, c'est aussi des éléments qui vont venir aider l'intégration par les masses, si on peut dire, dont nous faisons partie, de ce type de produit-là. Et évidemment, à travers ça, ce qui est intéressant aussi, c'est Deloitte souligne dans son rapport, donc dans prédictif, il dit « si on atteint un plateau dans l'achat d'ordinateurs, dans l'achat de matériel informatique, donc ordinateur, tablette, portable, etc., comme on le disait tout à l'heure, eh bien, ça veut dire que il y aura un autre marché qui, lui, devrait se développer. Parce que là, les gens ont terminé d'acheter peut-être certains appareillages, mais vont vouloir fourbir ces appareils-là de nouveaux services. On va acheter autre chose, On va acheter autre chose. C'est sûr. Et donc, eux disent que de 2014 à 2024, ça devrait être une décennie de logiciels. Comparativement à 2004-2014, qui était une explosion peut-être plutôt de l'achat d'appareils informatiques. Alors, on dit que les consommateurs donc sont maintenant équipés en matière d'appareils informatiques. Ils vont se tourner vers des services offerts pour ces appareils, vers l'achat de contenu, donc applicatif, l'achat de contenu musical, vidéo, l'achat de contenu ludique, l'achat de contenu de travail, mais Donc, du contenu. Finalement, on va remplir nos équipements informatiques. Exactement. On a beaucoup de bits, on a beaucoup de capacité de mémoire. Alors, on va la remplir et on va peut-être s'acheter d'autres outils pour pouvoir continuer à la remplir. Alors, ce sera intéressant. Évidemment, les ventes d'ordinateurs personnels, on en parlait tout à l'heure, n'augmenteront pas, mais reste que ça ne disparaîtra pas non plus sur le court terme. Présentement, on estime que c'est à peu près, 80% du trafic sur Internet qui est généré par des ordinateurs personnels. Mais c'est pas des huées quand c'est, même. C'est pas désuet, c'est simplement que tranquillement, il y a des nouvelles pratiques de navigation, tranquillement, il y a des nouvelles pratiques d'utilisation qui émergent. À ça aussi, par exemple, on dit pour certains que bon, le texte est en train de remplacer la parole, mais encore là, ce qu'on dit, c'est que c'est pour certains, c'est pas tout le monde qui a envie d'écrire sur son téléphone, il y en a qui aiment encore parler. Et c'est pas que chez les jeunes, il y a des jeunes qui préfèrent encore parler quand même. Exactement, donc c'est des tendances qui seront probablement pas généralisées, donc des tendances en émergence qui vont rester, bon, dans une certaine mesure marginale, parce qu'on s'entend que le terme marginal ici s'applique quand même à plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers d'individus. Parallèlement, ce qu'on dit, c'est que les téléphones, donc, resteront portables d'une certaine façon. Donc, dans la mesure où, les appareils, pour l'instant, devraient ravir à peu près 25% du marché global au prix où ils sont vendus actuellement. Ce qu'on dit, c'est que ces outils-là ne remplaceront pas nécessairement l'ordinateur portable, parce que on peut pas taper, on peut pas travailler avec le téléphone aussi facilement. Que la tablette va garder un peu aussi son entre-deux, mais encore là, c'est toujours la réflexion sur les capacités liés au travail, liés à l'emploi, liés à la production, qui sont mises de l'avant là, donc dans ce rapport prédictif-là. Donc ça, c'est quand même à surveiller, mais ce qu'on dit, c'est que les tablettes donc garderont quand même une bonne part du marché des téléphones intelligents, peut-être parce que justement, ils ont des possibilités plus larges au niveau du travail, au niveau de la gestion. Mais pour ce qui est de l'efficacité, c'est moins pratique. On tape pas un mémoire de thèse universitaire sur une tablette. Non, exactement. On a quand même besoin de quelque chose qui se rapproche d'un ordinateur. Mais par contre, chez certaines générations, eh ben, la tablette pourra peut-être venir remplacer justement l'ordinateur personnel et de ce fait pourra aussi réduire une partie de ce qu'on appelle la fracture numérique. Donc, c'est chez les personnes âgées. Donc, où on dit effectivement, de plus en plus les utilisateurs âgés achètent des téléphones intelligents. Donc, il est difficile de ne pas trouver d'appareils de ce type-là de nos jours. Il y a même en fait 25% des utilisateurs de plus de 55 ans qui ont acheté un téléphone intelligent ou une tablette qui n'avait jamais téléchargé d'application, qui n'avait jamais utilisé ce type d'outil-là non plus. Donc, tranquillement, on a une clientèle qui s'en va vers ce type d'appareil-là. D'un côté, parce qu'ils sont très disponibles, parce qu'on commence beaucoup à leur offrir. Donc, tranquillement, ils commencent à l'utiliser, parce que d'autres, dans leur milieu, commencent à l'utiliser. Donc, il y a une forme de pression sociale, mais d'engouement collectif, peut-être, dans cette tranche d'âge-là aussi. Ils voient aussi les possibilités. Exactement, parce que c'est convivial, parce que ça remplace l'ordinateur, parce que c'est moins compliqué, etc., etc. Alors ça, c'est une autre tendance à surveiller qui va permettre peut-être à la tablette, selon Deloitte, de garder quand même une bonne part du marché de ce qu'on met dans les écrans intelligents. Donc ça, c'est des éléments à surveiller. Sinon, quelques autres petits clins d'œil qui en ressortent de ce rapport-là. Notamment, ils estiment que une tendance à surveiller, ce serait la possibilité des services en téléprésence, si on peut dire. Donc, de profiter de cette multitude d'écrans-là pour offrir d'autres types de services qui pourraient amener à, disons, un temps moindre d'attente, par exemple, dans les urgences, un temps moindre pour profiter de cours de degré collégial ou universitaire. Donc, pour les soins, bien évidemment, on parle de consultations électroniques. Donc, ce qu'on dit, c'est que, selon Deloitte, il y aura 75 millions de consultations électroniques en 2014 en Amérique du Nord. Donc, l'idée, c'est de développer aussi des outils pour permettre aux gens d'utiliser ce type de service-là, de bonifier les services qui sont existants. Donc, un marché de la télésanté qui est assez important. Là, on parle de peut-être 100 millions de dollars là, pour ce marché-là là, pour 2014 en Amérique du Nord. Sinon, au niveau des cours, c'est les cours en ligne ouverts à tous, donc les MOOC, qui perturbent un peu le marché de l'éducation, selon eux. Donc, gouvernement et étudiants à court d'argent peuvent faire face peut-être aux coûts liés aux études en s'inscrivant à ce type de cours-là, à ce type de formation-là, et que ça viendrait peut-être aussi changer les habitudes, ou sinon, ça viendrait, parce qu'on ne sait pas encore l'impact à long terme, c'est tout récent ce phénomène-là, mais peut-être aussi ramener ou amener des gens vers les études, vers des programmes de formation. Donc, tranquillement, on voit qu'il y a des transformations qui s'amorcent. On peut, en regardant un peu les résultats d'un rapport comme celui de Deloitte, donc percevoir à court terme qu'il risque d'avoir des changements, percevoir aussi qu'à long terme, il y aura des changements peut-être encore plus en profondeur qui seront engendrés donc par cette multitude-là d'outils informatiques qui sont présents là, dans nos sacoches, dans nos sacs, dans nos maisons, dans nos poches. Mais c'est quand même bien de savoir qu'on a atteint un plateau pour l'achat d'appareils informatiques parce qu'à un certain moment, ça devient presque une folie. Oh oui. En fait, ça va peut-être rester pour certains utilisateurs. Il va toujours y avoir peut-être une frénésie autour de l'arrivée de nouvelles plateformes. Mais j'imagine qu'à un moment donné, c'est une question de budget pour la plupart des gens, de priorité et autres éléments, et d'utilisation qui va en être faite. Et parallèlement, ce qui est intéressant aussi dans le rapport de Deloitte, c'est qu'on semble dire que ces appareils-là et les nouveaux outils de diffusion, exemple web télé et autres, ne viendront pas encore, pour 2014 du moins, remplacer la télévision par câble traditionnel, qui reste une grosse, grosse masse de gens qui utilisent le câble, que cette masse de gens-là, à la limite, ne diminuera pas selon Deloitte, mais continuera d'augmenter, mais que ce qui risque de se passer, c'est que des gens qui utilisent ce type de service-là y grefferont d'autres services qui ne sont peut-être pas câblés, peut-être liés à l'Internet, mais ça ne viendra pas remplacer donc ce type de service-là, surtout chez les gens qui écoutent massivement la télévision comme divertissement et autres. Donc on dit, regardez, c'est peut-être pas pour 2014 qu'on va en arriver à ce point-là, mais par contre, encore là, ça va être là-dessus aussi une année de mutation, une année où on continue d'expérimenter en tant que consommateur, en tant qu'utilisateur, en tant que citoyen. Donc la TV ne devrait pas mourir en 2014. Très, très, très bonne nouvelle pour celle-ci. Et on pourra voir si ces bonnes tendances sont vraies dans la prochaine chronique en 2015, par exemple. On pourra faire un retour pour savoir si Deloitte avait raison dans tout ça. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on retrouve une partie de cette étude ou de ces grandes tendances sur le site de l'ITIS? On peut la trouver, en fait, notamment sur le site de Deloitte. En fait, je pense directement chercher TMT 2014. Sinon, effectivement, dans nos revues de presse, donc itis.ulaval.ca. Vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, @itis_UL. Et on peut même réentendre les chroniques qu'on fait ensemble là, tous les lundis dans Change de disque. N'est-ce pas fabuleux? Merci beaucoup, Raymond Poirier.